ravi, joyeux, impatient, heureux, ému, ce sont un petit peu les qualificatifs que je pourrais vous citer quand je vous retrouve à l'antenne chaque jeudi à partir de 17h sur Fadjet 94.2. Un nouveau rendez-vous aujourd'hui pour un nouveau coup de cœur. Comment vous dire, je ne vous l'avais pas annoncé la semaine dernière, il s'agit d'un séducteur, un indice supplémentaire, il est né dans le Grand Est. Est-ce que vous avez dit, ça fait un peu maigre, mais on écoute une chanson et puis on parle de lui juste après. Coup de cœur. Notre coup de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. Aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. Je pense que vous l'avez toutes et tous reconnu, peut-être pas les plus jeunes, parce que bon, ça date pas d'hier, ces succès. Il s'agit bien sûr d'Herbert Léonard, qui est né en février 45 à Strasbourg, donc dans le Grand Est, dans une famille modeste. Il faut savoir qu'il avait une sœur de 10 ans, son aînée. Après de courtes études en dessin industriel, il fonde un premier groupe de rock à l'âge de 16 ans, qui s'appelle Les Jets. C'est un petit peu le scénario habituel quand on veut devenir artiste. Ça s'est fait avec une bande de copains. Et après avoir joué dans les bals de Strasbourg et sa région, il participe en 1964 à une soirée rock au Golf Drouot à Paris. Ils étaient inspirés quand même. La même année, Herbert Léonard quitte les Jets pour effectuer son service militaire. En 66, il rencontre les membres d'un autre groupe, les Lionceaux, lors de leur passage à Strasbourg, et intègre ce groupe en tant que guitariste. La même année, ils se produisent dans toute la France et font même un passage à l'Olympia. Après la séparation des membres, Alain Attat et Bob Mathieu, les ex-leaders, l'invitent à Paris pour travailler à des séances d'enregistrement. Et sur place, Alain Attat le présente comme chanteur au directeur artistique Lee Hallyday. Lee Hallyday, évidemment, un cousin de notre idole Johnny, qui s'est occupé de lui à ses débuts également. Et sur le label de Lee Hallyday, il signe un contrat de 7 ans, Herbert Léonard. On va le retrouver justement dans les Lionceaux, son groupe de l'époque, Je ne peux pas l'acheter, puis Johnny Hallyday à l'Olympia 64 dans l'idole des jeunes. Je ne peux l'acheter. Partage qu'avec vous sur Fadjet. Thank you. disque d'Herbert Léonard sort en 1967. Et malgré sa diffusion sur de grandes radios nationales, le disque est un échec commercial. Durant l'année, donc 67, il participe à la tournée d'Antoine quand même en tant que guitariste. Puis il enregistre la version française de Somebody to Love des Jefferson Airplane, un single vendu à 70 000 exemplaires. En 68, sort son troisième disque et le tube Quelque chose tient mon cœur. L'année suivante, il participe à la tournée Sylvie Vartan au Japon ainsi qu'à un gala à l'Olympia. En 70, hélas, un accident de voiture empêche Herbert Léonard de continuer sa carrière, tout simplement. Après 6 mois de convalescence, c'est Gérard Manset qui devient son nouvel agent artistique. Et un album sort en 71, un autre en 72, mais ne rencontre toujours pas de succès. Après une tournée au Japon avec Sylvie Vartan et un dernier gala à l'Olympia, il décide de quitter le métier. Une respiration musicale, on retrouve ce premier tube, si l'on peut dire « Quelque chose tient dans mon cœur », puis « La belle, la blonde » de Sylvie Vartan. L'amour, bah, c'est comme une cigarette. Écoutez Coup de cœur sur Fadjet. Coup de cœur. J'aimerais brune comme une gitane, me glisser entre tes doigts et puis me brûler, me consumer pour toi, n'être que fumée. Quand tu es dans ce monde où tes rêves t'entraînent, je me voudrais blonde comme une américaine, être douce et sage ou sucrée, t'emmener sur mon nuage de fumée. Que j'ai appris en préparant l'émission, c'est qu'en 1971, Herbert Léonard a fait partie d'un groupe de musique nommé L'Alliance, qui est composé, tenez-vous bien, de Michel Thor, Serge Prisset et une certaine Belinda. Le Quatuor a sorti un 45 tours, Bye Bye l'amour, et durera une année avant de se séparer. Entre 1973 et 1980, Herbert Léonard enregistre plusieurs albums toujours sans succès. En janvier 1973 paraît le single « Sous le ciel de feu » enregistré en 1968, qui est le générique du Docteur Caraïbe à l'occasion de la diffusion de la série sur la deuxième chaîne ORTF. Durant ces années, il devient pigiste puis rédacteur pour Aviation Magazine, dans lequel il se spécialise notamment dans l'aviation soviétique durant la Seconde Guerre mondiale. Écoutez bien à présent ce qui suit. Toujours cette chanson à la tombée du nous avez parlé de pépites en début d'émission, je ne m'étais pas trompé, hein. Ça c'en est une. Je voulais vous dire quelques mots sur Serge Prisset qui faisait partie de ce projet. Serge Prisset, il est né en décembre 1946 dans la Vienne. C'est un auteur, compositeur, interprète, directeur artistique et producteur. Entre 1969 et 1982, il a sorti plusieurs disques qu'il compose lui-même. Sachez qu'il a notamment écrit également pour Mireille Mathieu, Sylvie Vartan, Nicoletta, Hervé Villard, Charlotte Julien, etc. pour la suite. Et il sera aussi directeur artistique d'Hervé Villard et d'Yves Dutheil, entre autres. Alors, je vous propose de retrouver un titre qui était célèbre, qui a fait le bonheur d'un été. C'était en 1970, ce fameux Serge Prisset, Colombe ivre. Allez, revenons à notre coup de cœur. Alors, donc en 1980, une certaine Vlyn Bugy découvre un jeune compositeur de talent qui n'est autre que Julien Lepers. Rappelez-vous, question pour un champion. On va revenir sur l'histoire de cette chanson pour le plaisir, des détails qui nous ont été livrés par Fabien Lecoeuvre. En effet, animateur vedette de la station RMC à la fin des années 70, Julien Lepers fait la connaissance de Vlyn Bugy grâce à Claude François, notamment sur la Croisette à Cannes, un soir de l'été 77. Après cette première rencontre, l'animateur de radio passionné de musique et la célèbre parolière se revoit et sympathise. Quelques mois plus tard, il décide de travailler ensemble. Ils se mettent alors à la recherche d'un interprète. Evelyne se souvient d'un artiste des années 60, hein, Herbert Léonard, qui, après un accident de voiture, avait mis sa carrière de chanteur entre parenthèses afin de se consacrer au journalisme dans la presse aéronautique. Elle le rappelle, elle lui propose de revenir à son premier métier. Une fois l'artiste convaincu, Evelyne et Julien Lepers se mettent au travail. Elle croit beaucoup en une mélodie de Julien, mais elle a du mal à trouver un texte pour l'accompagner. C'est finalement en tombant par hasard sur une émission de troc sur France Inter intitulée « Pour le plaisir » que lui vient l'idée lumineuse du titre de la chanson. Pour terminer l'écriture, elle demande à son amie programmatrice sur Europe 1, Arlette Tabar, surnommée Babar, de l'aider. Un ciné pour le plaisir qui, avec 9 autres chansons, est enregistré et proposé à plusieurs maisons de disques. Mais aucune ne croit en ce titre et encore moins en un retour d'Herbert Léonard. Pourtant, Vlyn Bugy persévère et décide de produire elle-même le disque, concédant la distribution à la maison de disques Polydor. Et c'est grâce à Thierry Leluron, qui invite Herbert Léonard dans son show de télévision, que Pour le plaisir devient en quelques semaines un immense tube et va se vendre à plus de 2 millions d'exemplaires. Chansons françaises, écoutez-les sur Fadjet. Il chante la terre. et c'est une vie sans mystère. Qu'il se passe de commentaires pendant des journées entières. Il chante la terre, mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire un tour de l'autre côté d'une vie où il n'y avait pas de place pour se garer. Il voyage en solitaire et nul ne l'oblige à se taire. Il sait ce qu'il a à faire. Il chante la terre. Il reste le seul volontaire. Puisqu'il n'a plus rien à faire, plus fort qu'une armée entière, il chante la terre, mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire un tour de l'autre côté d'une vie où il n'y avait pas de place pour se garder. C'est lorsque sa chanson est bonne, car c'est pour la joie qu'elle lui donne qu'il chante la terre. Vous avez reconnu Gérard Manset, Il voyage en solitaire. Pourquoi cette chanson? Pourquoi cet interprète? Déjà parce qu'on ne perd pas l'occasion, on ne perd jamais l'occasion dans Coup de cœur d'écouter de très jolies chansons. C'est le cas pour celle-ci. Et puis également, c'est le but, c'est le principe de notre émission. On agrémente les coups de cœur avec des artistes qui sont mêlés de près ou de loin, que ce soit artistiquement, sentimentalement, à celui que l'on met à l'honneur. Alors, s'il s'agit aujourd'hui d'Herbert Léonard, sachez qu'en 1983, il a enregistré l'album « Ça donne envie d'aimer », puis le single « Amoureux fou », mais en duo. Alors en duo avec qui? Rappelez-vous, elle s'est révélée, son plus grand tube, c'est « Ève, lève-toi ». Il s'agit bien sûr de Julie Pietri. Leur duo romantique devient l'un des tubes de l'année 1983, avec 400 000 exemplaires vendus, ce qui les amène à partir en tournée à travers la France l'année suivante. Et la naissance d'un album en commun a été envisagé, mais la chanteuse a préféré renoncer afin de chanter des textes plus personnels. La même année, il enregistre pour info un autre duo, mais qui aura un moindre succès. Ça s'appelle Tendrement, avec la chanteuse Nathalie Lhermitte. On écoute Herbert et Julie, puis Julie Pietri toute seule, Maria Magdalena. Amoureux fou, amoureux à mourir. permet de dédier ce titre Maria Magdalena à Jean-Michel qui nous a quittés il y a maintenant un peu plus d'un an. Et je pense que de là où il est, bah, il peut écouter ce joli titre avec nous. Quelques mots également sur le duo qu'on a entendu, Amoureux Fou. Ça s'est passé en 1983, donc 10 ans, une bonne dizaine d'années après les duos J'ai un problème, L'Aventura, Les gondoles à Venise. Et ça a fonctionné. Regardez, en 2023 également, de nombreux duos sont au top du top. En 1985 sort le tube, parce que c'était vraiment sa période faste à Herbert Léonard. Puissance et gloire, générique de la série télévisée Château-Vallon, composé par Vladimir Cosma, et également un autre titre, Flagrant délit, composé par Julien Lepers, qui devient numéro 1 au Québec. En 1987, Herbert Léonard sort l'album Laissez-nous rêver, dont les 4 singles se classent au top 50, notamment Quand tu m'aimes, qui était numéro 3, Sur des musiques érotiques, numéro 25, Tu ne pourras plus jamais m'oublier, numéro 13, et Laissez-nous rêver, numéro 19. En 1988, paraît un album live à l'Olympia. On va revenir sur Puissance et gloire. Le vendredi 4 janvier 85 exactement, une série coproduite par la France, l'Italie, le Luxembourg et la Suisse arrive sur les écrans de la deuxième chaîne de télévision française qui s'appelle encore Antenne 2. Cette série intitulée Château-Vallon, présentée comme un Dallas à la française, met en scène l'affrontement de deux familles, les Berg et les Kovalik, dans une ville imaginaire des bords de Loire. Dans cette querelle pour la fortune et le pouvoir, une femme, Florence Berg, avocate brillante et charismatique, interprétée par la comédienne Chantal Nobel, devient vite le personnage central de l'intrigue. Le premier épisode rassemble 14 millions de téléspectateurs et le suivant 17 millions, un record dans l'histoire de la télévision. En quelques semaines, la série devient un véritable phénomène de société et la musique qui rythme les épisodes est composée et dirigée par Vladimir Cosma, célèbre compositeur de bandes originales de films, à qui l'on doit notamment celle des aventures de Rabbi Jacob et de la Boum. Pour le thème principal, à l'origine un instrumental, Vladimir souhaite aussi une version chantée. Il demande à son amie la parolière Vlin Bugy d'écrire rapidement un texte en rapport avec l'histoire du feuilleton. Elle crée alors Puissance et gloire, il ne reste plus qu'à trouver l'interprète. Evelyne Bugy, elle l'a déjà fait une fois, elle a déjà écrit de nombreux succès pour Herbert Léonard, pense spontanément à lui pour interpréter Puissance et gloire. Vladimir Cosma adore l'idée, ainsi Herbert Léonard enregistre la chanson bien loin de se douter qu'elle va devenir un tube. Fadjet sur internet, www.fadjet.net. www.fadjet.net. Tout ça pour vous dire que vous pouvez retrouver cette émission 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce au podcast, ainsi que les autres émissions de l'antenne. Également de nombreux articles intéressants, tout ça donc sur le site internet. Herbert Léonard, depuis les années 1990, eh bien, on va sauter directement en 2001. Il sort Génériquement Vôtre, dans lequel il revisite plusieurs standards de génériques télévisés, dont L'amour en héritage, Terre Indigo, etc. Et la même année, il reprend le rôle de Frollo dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. J'aurais bien aimé qu'on écoute Belle, mais la pendule tourne trop vite, on n'aura pas le temps d'ici la fin de l'émission. En 2002, il enregistre l'album Aimer une femme et fait appel à Julie Pietri à nouveau pour chanter en duo. 2006, il interprète un second rôle dans l'épisode La mort un dimanche de la série Navarro, dont il chante également le générique de fin. En 2008, Herbert Léonard participe à la tournée des Idoles Âge Tendre lors de la saison 3, puis en 2010, saison 5, Âge Tendre et Tête de Bois. Le 12 octobre, il publie sa biographie qui s'appelle Pour le plaisir et pour le reste. En 2013, tournée au Québec, puis il participe encore à Âge Tendre 8e saison. En 2014, il publie l'opus Demi-tour. En 2015, avec Bernard Sova, il chante à Madagascar. En 2016, sort l'album Mise à jour. Une tournée prévue au Québec est annulée en raison d'une hospitalisation lourde à la suite d'une embolie pulmonaire en juin 2017. En effet, le 17 juin de cette année-là, il est placé dans un coma artificiel dont il se réveillera le 20 juillet 2017. Après cette mauvaise passe, il effectue son retour sur scène en participant encore à la croisière Âge Tendre du 4 au 11 novembre. De janvier à avril 2020, il participe toujours à cette fameuse tournée, la tournée des Idoles. On va écouter Bernard Sova. Je pense que ça va vous rappeler encore de bons souvenirs. Puis ça va être bientôt la fin de l'année scolaire. Donc, le professeur est-il un rêveur ? Bernard Sova. En 2021, Herbert Léonard révèle avoir subi 3 interventions de chirurgie vasculaire. Le chanteur devait en quelque sorte réparer les dégâts que la cigarette, sa plus fidèle compagne, lui fait subir, d'après ses explications sur Facebook. Covid carabiné en 2022. Les derniers mois d'Herbert Léonard ont été particulièrement éprouvants. Mais il a visiblement une bonne étoile au-dessus de lui. En effet, le chanteur a confié en mai dernier qu'il avait récemment enchaîné les pépins de santé. Une série noire commencée il y a 5 ans avec cette infection dont on a parlé, qui lui a infligé 32 jours de coma. Et jusqu'à l'an dernier, où il a à nouveau passé plus d'un mois hospitalisé sous oxygène à cause d'un Covid carabiné. Et ça continue. parce que la santé d'Herbert Léonard est de nouveau au cœur des préoccupations depuis quelques jours. En effet, le chanteur de 78 ans se faisait un plaisir de retrouver la scène au début du printemps pour plusieurs concerts, avec Les Quatre Copains d'abord, une tournée commune qu'il partage avec Georges Chelon, Pascal Danel et Bernard Sauvat, qu'on vient d'écouter. Seulement, les trois spectacles qu'il devait assurer en Belgique pour le week-end de la Pentecôte, du 26 au 29 mai, ne se sont pas déroulés comme prévu. L'interprète de Pour le plaisir a été contraint d'annuler deux des trois séances programmées pour raison de santé. Et annulation également de deux autres concerts suite à cette fâcheuse mésaventure. Il n'a pas pu monter sur scène avec ses copains le 1er juin à Mency et le samedi 10 juin, samedi dernier. Mais l'agent du chanteur, Yann Hidou, a annoncé qu'il était sorti de l'hôpital. Il a également donné des nouvelles rassurantes sur l'artiste, affirmant qu'il va bien et qu'il n'aura heureusement pas de séquelles. Vous devrez suivre de plus près dans les semaines qui viennent les dates ultérieures qui étaient prévues au Casino de Boulogne le 16 juillet, La Blachère le 18 juillet, à Équien dans le 62 le 14 août, à Flassanque dans le 83 le 15 septembre, également des dédicaces à Auxerre le 29 septembre, et dans le Val d'Oise à Gartempe, c'était prévu le 21 octobre. Donc, quelques mots maintenant sur la vie privée du chanteur. Sachez qu'il est le mari de la chanteuse Cléo depuis octobre 2004. Ils s'étaient rencontrés en octobre 67. Ils ont mis le temps pour se marier, hein, ces deux-là. Ensemble, ils ont une fille, Eléa, qui est née en 1973. Et notamment, je vous signale qu'ils ont enregistré un duo, Herbert et sa fille. Ça s'appelle « Veux-tu me dire ?» sur un album sorti en 2002. Il est également l'auteur de plusieurs livres spécialisés sur les avions de guerre de la première moitié du XXe siècle. On en a parlé pendant ce coup de cœur. Et il est passionné de football et a fait partie de l'équipe des Globetrotters. Il réside, sachez-le, à Barbizon, en Seine-et-Marne. Et qu'est-ce que c'est Barbizon ? Ben, c'est le village des peintres pré-impressionnistes. On va se quitter avec un live, comme d'hab, dans le cadre de la tournée H tendre. Laissez-nous rêver. Voilà, c'est fini pour ce coup de cœur. On souhaite un prompt rétablissement à Herbert Léonard. La semaine prochaine, une des grandes voix de la chanson française. Elle n'est pas si âgée que ça, mais elle a quand même déjà quelques années de carrière, puisque nous nous pencherons comme des bonnes fées sur la carrière de Chimène Badi, notamment au travers de son dernier album et de la tournée qu'elle effectue actuellement. Je vous souhaite une bonne semaine ensoleillée, puisque la Lorraine, c'est devenu un petit peu la Côte d'Azur. Profitez bien, et puis on se retrouve jeudi prochain à partir de 17h. Salut !